Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Épisode. La perte de l'Aragon ou le commencement de la fin. Pendant que les combattants, usés et démoralisés, subissent au front les terribles offensives franquistes, dans les campagnes, les villageois les plus déterminés reconstruisent les collectivités avec une certaine rage. Mais le désespoir et la peur de la défaite se font sentir. La lutte sourde entre les propriétaires qui réclament leurs biens et les collectivistes durera jusqu'à la fin de la guerre, avec des résultats divers, selon le rapport de forces locales. Dans l'industrie, des secteurs collectivisés fonctionneront jusqu'à la fin de la guerre, mais sous l'emprise de plus en plus forte de l'État, notamment dans les industries de guerre, les mines et la métallurgie. Des usines catalanes seront même rendues à leurs propriétaires. En ville, il y a maintenant deux sortes de citoyens. Ceux qui travaillent pour l'État ou l'industrie de guerre et reçoivent un salaire, et ceux qui travaillent dans les autres branches et qui souffrent de la faim. Le transfert du gouvernement de Valence à Barcelone, à la fin octobre 1937, drainant plus de 250 000 personnes, a considérablement aggravé les conditions de vie de la population catalane. Affamée et régulièrement bombardée, elle est en outre terrorisée par les patrouilles du service d'investigation militaire qui contrôle et arrête les gens dans les lieux publics. Depuis juin 1937, au fur et à mesure que la guerre avance avec son cortège de défaites, la législation répressive accélère les procédures et les pratiques arbitraires de la police se généralisent sous prétexte de traquer la cinquième colonne. En réalité, ce sont bien souvent des antifascistes qui comparaissent devant les tribunaux spéciaux pour défaitisme et haute trahison. Des sanctions qui vont de 6 ans de camp de travail à la peine capitale tombent sur de jeunes militants barcelonais qui distribuent des tracts critiquant la politique du gouvernement, ou sur des cheminots de Gerona qui appellent à la grève. Au même moment, des fascistes infiltrés dans la magistrature sont arrêtés puis relâché. Le champ libre est donc laissé au groupe clandestin de la Falange qui prépare l'heure de l'épuration franquiste. D'ailleurs, en février 1938, autour de Franco, les membres du gouvernement nationaliste en constitution prêtent serment près de Burgos. La CNT et la FAI persévèrent dans leur intégration à la politique centraliste de l'État républicain, en dépit des critiques d'une partie de leurs militants, pour beaucoup en prison ou contraints à la clandestinité. Depuis des mois, les dirigeants anarcho-syndicalistes négocient et concluent des pactes d'alliance avec l'UGT et le PSOUK, ceux-là même qui calomnient et sabotent le travail des affiliés sénétistes au front et à l'arrière. Et le 6 avril 1938, la CNT intègre le nouveau Front populaire antifasciste et participe au gouvernement d'unité nationale de Negrín. À ce moment, pour la plupart des politiciens, la défaite militaire est proche, et pour éviter une capitulation sans condition, les négociations avec Franco ont déjà commencé. Cela n'empêche pas la police politique de traquer parmi la population toute personne suspectée de défaitisme. Le camp républicain vit désormais une militarisation de la société qui va de pair avec la démobilisation révolutionnaire. Les conflits politiques et sociaux sont dilués dans la sombre perspective de la défaite, et la gestion quotidienne des problèmes matériels de l'existence confine hommes et femmes dans des conduites individuelles de survie. Ce fut au début du mois de mars, si mes souvenirs sont bons, que commença la débâcle. J'avais à peine récupéré mes forces, lorsque le groupe que j'avais réintégré le soir même de ma course fut jeté dans la bagarre. Les franquistes attaquaient sur tout le front. Combien de temps sommes-nous restés sur cette position? 24, 36, 48 heures? Je n'en sais absolument rien. Je me souviens que nous arrivâmes sous un déluge d'obus à la tombée de la nuit. Les copains espagnols achevaient de repousser un assaut de l'infanterie adverse. Les équipes de brancardiers s'affairaient à évacuer les blessés. Aviation, artillerie, fantassins montant à l'assaut. Crépitement des mitrailleuses, fusils, éclatement des grenades, explosion des obus et des bombes. Nous avions perdu toute notion de temps. Ivres de fatigue, de poudre, d'alcool, nous nous accrochions à cette parcelle de terre avec une seule idée en tête. No pasarán. Bientôt il ferait nuit. Et les avions ne pourraient plus nous voir. Quelqu'un sauta dans une tranchée, en demandant le commandant. Une voix lui répondit. Il est mort. Vite, enchaîna l'inconnu, qui arborait sur son képi deux galons dorés. Il faut évacuer la position. Nous allons être encerclés, regardez là-bas. L'artillerie avait concentré son tir sur notre terrain. Fuyant le tir des batteries, nous nous dispersâmes. Un de mes copains espagnols me suivit, et nous nous retrouvâmes complètement épuisés au pied d'une espèce de falaise. On y voyait goutte. Nous suivîmes la paroi à tâtons, cherchant un passage, lorsque mon copain me dit « Oui, hay cuevas, il y a des grottes. Je ne vais pas plus loin, car celle-ci est trop petite pour eux. » Il n'avait pas fini de parler que ma main rencontrait le vide. C'était une grotte. Petite aussi. Le sol encombré de bois morts, de bouts de branches et de pierres. La grotte me convenait pour attendre la levée du jour. Je la débarrassai de tout ce qui pouvait me gêner, et je me glissai, les pieds vers l'intérieur. Ma musette que j'avais posée sur deux grosses pierres me servait de coussin. Un rayon de soleil me réveilla. Et ce que je vis me renseigna sur l'endroit où j'avais passé la nuit. Un cimetière ravagé par un bombardement. Les monuments funéraires brisés, les seins renversés, les ossements dispersés autour des cratères des bombes et des obus témoignaient de son intensité. La grotte dans laquelle j'avais dormi était un caveau, d'où j'avais expulsé son premier et légitime occupant. J'appelai mon copain. Hé, amigo! Je le vis jaillir de son trou comme un boulet en disant « Virgen Santissima, Madre de Dios !» Et pendant que d'une main il saisit son fusil, de l'autre il se signa. Le choc éprouvé en constatant qu'il avait violé une tombe était si fort qu'il avait aboli tout raisonnement logique et fait ressurgir la peur atavique et les préjugés gravés dans le subconscient par 2000 ans de croyances judéo-chrétiennes. Nous ne nous attardâmes pas dans ce macabre endroit. Les derniers mois de la faim, pour moi, furent un vrai cauchemar. Nous étions jetés d'un point à un autre du front, pour essayer d'arrêter la percée de l'ennemi, qui nous débordait toujours par nos flancs, nous obligeant à nous retirer. Nous étions arrivés à un tel degré de désespoir, que certains de mes camarades, plutôt que de reculer encore, préféraient s'accrocher au terrain et se faire tuer sur place. En plus, certaines rumeurs circulaient parmi nous, et finissaient par nous démoraliser. Remontant le cours de l'Èbre, des unités de la brigade Lister avaient dissous les collectivités paysannes qui fonctionnaient encore après la disparition, voulue par le gouvernement Negrín, du Conseil d'Aragon, et cela quelques semaines avant le déclenchement de l'offensive ennemie. On disait aussi que les hommes de la Faille, de la Cenete et du Poum, qui passaient dans les secteurs tenus par Lister ou El Campesino, tous deux d'obédience communiste, étaient immanquablement fusillés. J'ai eu, quelque temps après avoir écouté ces bruits, la possibilité de vérifier leur exactitude. Arrivé avec un groupe d'Espagnols aux environs de Lérida, je fus contrôlé et arrêté par des hommes du Campesino, qui m'emmenèrent à leur QG, ainsi que mes copains. En route, je leur avais demandé de dire que j'étais des brigades. Un officier nous fit subir un interrogatoire serré. L'un après l'autre, nous passâmes sur la sellette. Et cela recommença, je ne sais plus combien de fois. Le nombre des interrogés diminuait, après chaque passage devant les inquisiteurs. Moi, je répétais toujours mon histoire. J'étais français, appartenant à la 14e brigade. J'avais été assommé par une bombe d'aviation et hospitalisé à l'hôpital militaire de Bujaraloz. Je ne connaissais aucun des hommes qui m'accompagnaient. Ils finirent par me relâcher, avec l'ordre de ne pas quitter le camp. À l'aube, j'étais déjà loin. En allant vers le nord, j'espérais rejoindre mon groupe. En effet, je retrouvais Pablo, Otto et un copain cubain. Tous les autres étaient partis pour Teruel. Pablo me donna une enveloppe que Mario avait remise pour moi. Elle contenait un cahier où mon ami répondait à une série de questions que je lui avais posées un soir. Mon départ précipité pour une mission de reconnaissance m'avait empêché d'écouter ses réponses. Depuis, nous ne nous étions plus rencontrés assez longtemps pour pouvoir discuter. Quelques jours après, je retrouvais Bobigny, au bord du Segre. Mais ce fut de courte durée. Il était malade et fut évacué vers Barcelone. Le secteur paraissait calme. L'ennemi était assez loin de la rive du fleuve pour que nous puissions oublier, lorsque nous étions de garde, que la mort et la souffrance nous attendaient au coin du temps qui passait pendant que la guerre continuait. Un matin, nous fûmes réveillés par le bruit d'une canonnade loin sur notre droite. Nous n'étions pas inquiets, car aussi loin que pouvait porter nos regards, même avec l'aide de jumelles, on ne voyait rien bouger de l'autre côté du Segre. J'étais occupé à lire pour la énième fois le cahier de Mario quand on m'appela. Le nouveau capitaine et le commissaire nous avaient été envoyés par un commissaire politique pour nous remonter le moral et nous persuader de la nécessité de passer par la dictature du prolétariat pour arriver à l'instauration du communisme libertaire. Catala, le commissaire, me mit au courant de la situation. Les phalangistes avaient passé le Segre, en amont. Le téléphone étant coupé, je devais rejoindre le QG dans les plus brefs délais et remettre un pli que me donna le capitaine, à l'officier le plus haut en grade qui s'y trouverait. Après avoir suivi le cours du fleuve pendant un kilomètre ou deux, je décidai de prendre la route qui allait de Ceuta de Urgel à Lérida et qui déroulait son ruban goudronné à une centaine de mètres du rivage. J'avais quitté l'abri que faisaient les roseaux de la rive. Et presque aussitôt, le sifflement caractéristique d'un obus qui s'approche dangereusement me fit exécuter un plongeon dans l'herbe. Le projectile éclata entre la route et moi. Je redescendis vers le fleuve, et un deuxième obus tomba assez loin devant moi. Cela dura je ne sais plus combien de temps. J'avais l'impression, sûrement fausse, que je servais de cible à une pièce d'artillerie. Il suivait dans son tir tous mes déplacements, comme si on voulait m'empêcher d'arriver à la route. Dans la ligne brisée que je traçais dans ma course, j'essayais de me rapprocher malgré tout de mon but, couper l'axe routier et rejoindre le QG, qui se trouvait du côté opposé à celui où je m'évertuais à éviter d'être fauché par la mitraille. Un bond entre deux explosions me porta devant un trou qui s'enfonçait sous la route. Je m'y engouffrais avec toute la vitesse que mes jambes étaient capables de fournir pour m'étaler à bout de souffle sous la voûte du pont. Je n'étais pas seul, car une voix m'interpella. « Tu es blessé, compañero ?» C'était une femme. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange et tout son corps tremblait. Elle avait peur, terriblement peur. Le souffle coupé, je ne pouvais pas parler. La canonnade augmentait d'intensité. Elle s'approcha, passa sa main sur mes joues, mes épaules, ma poitrine, très doucement, et répéta sa question. Tu es blessé ? Ses mains étaient froides. Son regard d'une fixité inhumaine paraissait vouloir explorer les profondeurs de mon être. Puis elle rompit le contact, porta ses mains à sa gorge et rapidement déboutonna son corsage. Deux globes de marbre jaillirent, dardant vers moi la fleur au téton dressé et durci par la violence du désir. Elle retroussa sa jupe et, m'agrippant aux épaules, se renversa en arrière, emprisonnant mes jambes entre les siennes. D'un bras replié sur ma nuque, Elle tenait ma tête contre son visage. L'autre glissait entre mes cuisses. Et les siennes libéraient mon sexe. Surpris par la violence de ce besoin d'aimer en de telles circonstances, par la chaleur de ce corps qui se donnait avec une franchise et une impétuosité incroyable, le cerveau obnubilé par l'effort que je venais de fournir, je me laissais emporter par la vague érotique qui se dégageait d'elle et pénétrait en moi par tous les sens. Je me retrouvais allongé sur le flanc, l'oreille contre le sol, et j'entendis un bruit léger, lointain. C'était comme une vibration des couches terrestres. D'un coup, comme une rafale de vent chasse la brume légère d'un matin d'été, mon cerveau recouvra sa lucidité et me fit me précipiter sur le bord de la route. Les tanks roulaient sur l'asphalte, ils approchaient. Quelques minutes plus tard, je rentrais au QG. Je fus reçu à bras ouverts. Le téléphone avait été coupé par la cinquième colonne, les partisans de Franco qui étaient restés en territoire républicain. Les transmissions avaient réparé le sabotage et rétabli la communication. Après avoir écouté ce que j'avais à leur dire sur les chars, l'officier donna l'ordre de nous replier et immédiatement on évacuait la base. Le soir même, je réintégrais ma compagnie et les marches et les contre-marches reprirent. Parfois, nous ne restions que quelques heures sur une position pour être relevés et partir ailleurs. J'avais la nette impression que le haut commandement ne savait absolument pas quoi faire. J'appris plus tard que la lutte pour le pouvoir continuait et que cela se répercutait au niveau des états-majors de l'armée. Ce fut pendant un de ces départs inexpliqués que je fis la paix avec Catala, le commissaire politique. Depuis son arrivée à la compagnie, je ne lui avais adressé la parole que pour les affaires du service. Je n'allais jamais écouter ses conférences. Ce qui faisait que beaucoup de copains n'y allaient pas non plus. Un jour, il me fit demander par l'intermédiaire du capitaine la raison de mon absence systématique. Je lui fis répondre que c'était parce que la contradiction n'était pas admise. Nous étions donc arrivés sur cette colline. Nous avions placé les avant-postes sur les bords d'un ruisseau, qui serpentait au milieu des broussailles, un peu plus bas, dans le creux du vallon. Et nous nous escrimions à creuser les trous avec des moyens de fortune, lorsque l'ordre arriva de nous replier en vitesse. Je m'en fus prévenir les hommes des postes avancés. Quand je remontai, tout le monde était parti, sauf Catala, qui m'attendait et me reprocha mon retard. Je lui fis voir mon foulard plein d'abricots. Il en prit une poignée, et tout en marchant pour rejoindre les autres, il commença à me parler de la nécessité de passer par la dictature du prolétariat pour arriver un jour à l'avènement du communisme libertaire. Nous devions être disciplinés et forts pour faire face à la coalition des forces réactionnaires, dont les représentants, même dans les rangs des soi-disant partis de gauche, me citant le Parti Socialiste, les autonomistes basques et catalans, étaient les premiers qui, tout en étant au gouvernement, ne faisaient rien pour la classe ouvrière. Ils défendaient les intérêts du capitalisme, étaient les chefs de ce parti, eux-mêmes étant des bourgeois qui n'hésitaient pas à envoyer la police contre les ouvriers, réclamant leur droit à la vie. Les deuxièmes réclamant leur indépendance économique pour pouvoir exploiter à leur seul profit les richesses naturelles et humaines, et garder la masse productrice sous la domination des capitalistes et du clergé. Il y avait beaucoup de vrai dans ce qu'ils disaient. Je fus obligé de le reconnaître, et de le lui dire franchement. Nous avions rejoint le détachement d'arrière-garde. Les copains cheminaient près de nous, écoutant notre conversation. Satisfait d'entendre que je l'approuvais, il allait reprendre son discours lorsque je lui dis « Je n'ai pas fini, camarade. Écoute-moi comme je t'ai écouté. Je ne te suis pas. Ce que tu reproches aux socialistes arrivés au pouvoir par la voie du suffrage, on pourrait peut-être le reprocher aux communistes, s'ils arrivaient au gouvernement par le même chemin. L'histoire regorge de pareils exemples depuis la plus haute antiquité. les esclaves ne se sont révoltés jusqu'à nos jours que pour se donner de nouveaux maîtres. Dans les premiers âges de la révolution humaine, la révolte prenait le visage de la religion. L'ignorance est dans les deux pouvoirs, spirituel et temporel, cédait, et parfois se confondait en un seul. Aujourd'hui, il en est de même qu'il y a 2000 ans. Pourquoi ? Parce que les hommes qui ont, ou qui prennent la direction d'une société, se corrompent, et ont besoin pour affermir leur puissance d'un moyen de corruption, qui leur permette de forger les outils de répression, qui empêchent toute tentative de révolte et de rébellion. Ce moyen, c'est l'argent. Les comités ouvriers et paysans russes le savaient bien, car ils ont aboli la monnaie. Le Parti communiste l'a rétabli, après s'être emparé du pouvoir. Et aujourd'hui, la Russie plie la tête sous la botte d'un homme seul, Staline, et son organisation policière. Les anciens maîtres ont disparu pour laisser la place aux fonctionnaires du parti, qui ne sont pas meilleurs, car l'homme étant ce qu'il est, un organisme de répression comme celui créé par le PC en Russie ne serait pas nécessaire, s'il y régnait la liberté et l'égalité des différents éléments qui forment la société. Le pouvoir est maudit, a dit Louise Michel, car il pourrit tout ce qui l'approche. Nous voulons abattre la forme centralisée du gouvernement, changer la structure de cette soi-disant civilisation millénaire, basée sur la force, l'hypocrisie, le mensonge et l'ignorance. Partout où il y a une organisation sociale de classe et de caste, si on y regarde de près, rien n'a changé dans la condition humaine. Esclaves, serfs, fermiers, ouvriers. Les mots ont changé pour désigner la partie la plus nécessaire à la survie de l'humanité. Mais la situation est la même. Vous, partisans d'une direction centralisée, vous donnez des directives aux différents corps de métier. Et vous prétendez savoir ce qui est ou non nécessaire à la collectivité que vous dirigez. Vous évaluez l'effort de chacun en argent, vous arrangeant pour que celui des sujets dont le travail est le plus nécessaire à la vie soit le moins rétribué. Nous voulons que chaque individu soit responsable de la vie et du bien-être de la collectivité. Qu'il soit conscient que produire est une nécessité naturelle, donc un devoir. Mais aussi qu'il a le droit, en échange, de consommer ce dont il a besoin, sans que personne ni rien ne puisse le lui interdire, au nom de n'importe quel ordre établi d'origine plus ou moins divine. L'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. C'est pas moi qui dis cela. C'est Élisée Reclus, un professeur d'histoire. Pour moi, c'est vrai, car être anarchiste signifie savoir exactement où s'arrêtent mes droits et ce que sont mes devoirs, sans que personne ne puisse s'attribuer la prérogative de me dire, au nom de quoi que ce soit, ce qui m'est permis de faire et ce qui m'est défendu. Tu veux une preuve ? Regarde-nous. Nous sommes en guerre. Nous avons accepté le minimum de discipline. Nous ne marchons pas au pas. Nous ne saluons pas nos responsables. Mais nous obéissons au combat. Peux-tu me dire, commissaire, combien de fois nous nous sommes retirés devant l'ennemi de notre propre volonté ? Pourquoi ? Lorsque nous sommes arrivés dans les hameaux, les bourgs et les villages, qu'avons-nous fait ? Nous leur avons dit de continuer à travailler leurs terres comme auparavant, qu'ils pouvaient l'exploiter en commun s'ils le voulaient, ainsi que les terrains abandonnés par les caciques, que tout leur appartenait. Les collectivités paysannes se sont structurées, le Conseil d'Aragon constitué. Dans les ateliers, on a blindé les camions et réparé les charrues. Dans les campagnes, on a labouré, défriché, semé, pour nourrir toute une armée improductive et la masse du peuple des arrières. Cela a fait peur à tous les politiciens assoiffés de pouvoir, de tous bords, en Espagne et à l'étranger. Ce serait terrible pour eux s'il arrivait que les classes productives, unies par corps de métier, travaillant les unes pour les autres en toute liberté, au lieu d'être encadrées, dirigées par une masse de gens inutiles, se rendaient compte de la situation aberrante où on les maintient depuis des millénaires. Ce serait la fin de tous les privilèges, la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et cela, aucun homme politique de droite ou de gauche ne le veut, parce qu'il serait obligé de retourner au champ, à l'atelier, à la mine ou au bureau, pour avoir droit à sa juste part du travail de tous. Il est préférable pour eux que les choses restent comme elles sont. Leur maître de la haute finance, leur assurant richesse, honneur, privilèges de toutes sortes, à condition de garder le bas peuple dans l'ignorance et la soumission. Si on n'abolit pas l'argent, et son corollaire, la propriété, privée ou d'État, il y aura toujours des riches et des pauvres, des exploités et des exploiteurs. Et cela, nous les libertaires refusons de l'admettre. Nous étions arrivés à l'étape. Catala me regarda un moment en silence, puis me dit « Toi, tu es sincère, mais combien d'hommes seraient capables de vivre selon tes principes ?» Il me tendit la main, et après avoir serré la mienne, s'éloigna. Comme Jiménez nous le donne à voir, il règne sur le front une terrible confusion. Début 1938, tous les objectifs que les soviétiques ont eux-mêmes posés pour gagner la guerre sont réunis. Ils tiennent en grande partie le front et l'arrière dans une main de fer. Mais c'est aussi le moment où la liste des batailles perdues devient impressionnante. Contrairement à la réputation d'efficacité célébrée par leurs porte-plumes assermentés dans le monde, les militaires soviétiques se montrent en Espagne de piètres stratèges. Cela ne les empêche pas de continuer à appeler les soldats de la République à la lutte jusqu'au dernier, tandis que les tankistes et pilotes soviétiques quittent le pays. Jiménez nous renseigne également sur le sentiment de terreur qui règne dans les tranchées, où selon un rapport de la FAE d'octobre 1938, on a plus peur d'être tué par les gens de son camp que par ceux d'en face. D'ailleurs, à l'arrière, les jeunesses libertaires impriment des tracts pour encourager les militants à la discrétion quant à leur appartenance politique au moment de leur incorporation. Ils les avertissent que la plupart des officiers communistes envoient les anarchistes en première ligne. On ne s'étonne pas dans ces conditions que les refus de monter au front et les désertions se multiplient. Avec l'ouverture aux historiens des archives soviétiques, on a confirmation que les déserteurs des brigades internationales, repris par le CIM, ont été fusillés ou confinés dans le camp dit de rééducation d'Albacete. Il semblerait que plusieurs milliers d'internationaux y soient passés jusqu'en octobre 1938 et que beaucoup n'en soient jamais revenus. Un des derniers grands actes de la guerre va se jouer le 9 mars 1938. Quand les nationalistes lancent la grande offensive d'Aragon, une vraie blitzkrieg conçue par les conseillers allemands de Franco. Dès le lendemain, le front républicain va craquer de partout, les brigades internationales elles-mêmes ne tenant pas le choc. Et la retraite commence, d'ouest en est, sous le feu des avions italiens. Le 15 mars, un front de 60 km est ouvert à l'invasion jusqu'à la côte, tandis que tous les quartiers de Barcelone subissent, 3 jours durant, un terrible bombardement aérien. À la Société des Nations, Staline propose aux démocraties une grande alliance contre Hitler. Et devant le refus de l'Angleterre, il réfléchit au futur pacte germano-soviétique et prépare discrètement son retrait d'Espagne avec armes et bagages. Lérida tombe le 4 avril après avoir résisté une semaine, puis Fraga. La population et les soldats refluent sur Barcelone, mitraillés sans pitié. Le 15, la République est partagée en deux. D'un côté, la Catalogne jusqu'à Biñaroz, dans le Levant. De l'autre, la poche du centre-sud, depuis Madrid jusqu'à la côte.